Fondation du monastère des Carmélites de Valladolid. Chapitre 10. Fondation de ce monastère de Valladolid, faite par la sainte. 4 ou 5 mois avant la fondation du monastère de Malagon, un gentilhomme fort qualifié me dit que si je voulais en fonder un à Valladolid, il me donnerait une maison où il y avait un grand jardin, fort beau, avec une vigne. Et il me fit cette offre d'une manière si obligeante, qu'il voulait dès lors même m'en mettre en possession. Ainsi, quoique je ne fusse pas trop porté à fonder en ce lieu-là, parce que cette maison était éloignée d'un quart de lieue de Valladolid, je crus ne devoir pas refuser un présent qu'il faisait de si bon cœur, ni le priver du mérite d'une si bonne œuvre, et je pensais qu'après nous être mis en possession, nous pourrions trouver quelque moyen de nous établir dans Valladolid. 2 mois après, ce gentilhomme tomba, assez loin du lieu où j'étais, dans une maladie subite. Il perdit la parole, et ainsi ne put se confesser, mais il témoigna par plusieurs signes qu'il demandait pardon à Dieu, et ne vécut ensuite que peu de jours. Notre Seigneur me dit qu'il lui avait fait miséricorde en considération du service qu'il avait rendu à sa mère, par le don de cette maison, et qu'il sortirait du purgatoire lorsqu'on y aurait dit la première messe. Je fus si touché de la peine que souffrait cette âme, que, quelque désir que j'eusse de faire la fondation de Tolède, je quittai tout pour ne pas perdre un moment à travailler de tout mon pouvoir à celle de Valladolid. Je ne pus exécuter ce dessein aussi promptement que je le souhaitais, parce que je fus contraint de m'arrêter durant quelques jours au monastère de Saint-Joseph d'Avila, de la conduite duquel j'étais chargé, et Saint-Joseph de Médine du Champ, qui se rencontra sur mon chemin. Y étant un jour en oraison, notre Seigneur me dit, « Hâtez-vous, car cette âme souffre beaucoup. » Ainsi, quoique je manquasse de plusieurs choses, je me mis aussitôt en chemin, et arrivai à Valladolid le jour de Saint-Laurent. Je fus touché d'un sensible déplaisir lorsque je vis la maison, parce qu'encore que le jardin en fût très beau et très agréable, ce lieu était malsain, à cause qu'il était assis le long de la rivière, et qu'il était impossible de rendre la maison logeable pour des religieuses, sans une grande dépense. Bien que je fusse fort lasse, il me fallut aller entendre la messe dans un monastère de notre ordre, qui est à l'entrée de la ville, et j'en trouvai le chemin si long, que cela redoubla ma peine. Je n'en témoignai rien à mes compagnes, de peur de les décourager, car, quoique faible, ce que Dieu m'avait dit me soutenait, et ma confiance en lui me faisait espérer qu'il y apporterait du remède. J'envoyai secrètement quérir des ouvriers, et leur fit faire quelques cloisons pour nous loger. Un des deux religieux qui voulait embrasser la réforme, et Julien d'Avila, ce bon prêtre dont j'ai parlé, était avec nous. Le premier s'informait de notre manière de vivre, et l'autre travaillait à obtenir la permission de l'ordinaire pour notre établissement, que l'on ne mettait point en doute avant que nous fussions armés. On ne put l'avoir si tôt. On nous accorda seulement de faire dire la messe dans le lieu dont nous avions fait une chapelle, et je l'y fis dire. Cela ne me mit pas néanmoins l'esprit en repos touchant cette âme pour qui je la faisais célébrer, parce qu'encore qu'il m'eût été dit qu'elle serait délivrée à la première messe, je croyais que ces paroles s'entendaient de la messe qui se dirait lorsque l'on mettrait le Saint-Sacrement dans notre chapelle. Mais quand le prêtre, tenant entre ses mains la Sainte Hostie, vint à moi pour me communier, j'aperçus à côté de lui la figure de ce gentilhomme, qui, les mains jointes, et avec un visage gai et resplendissant, me remerciait de ce que j'avais fait pour le tirer du purgatoire, et je le vis ensuite monter dans le ciel. J'avoue que la première fois que l'on me dit qu'il était en voie de salut, j'eus de la peine à le croire, à cause qu'il était, entre autres choses, si attaché au monde, qu'il me semblait que la vie qu'il avait menée donnait sujet d'appréhender pour lui une seconde mort. Mais il avait assuré mes compagnes que cette pensée de la mort lui était toujours présente. On voit par un tel exemple combien notre Seigneur considère les services que l'on rend à sa Sainte Mère, et quelle est sa miséricorde, qu'il soit béni et loué à jamais de récompenser ainsi par une bonne vie et une gloire éternelle nos bonnes œuvres, qui, étant si peu considérables par elles-mêmes, n'ont d'autre prix que celui qui lui plaît de leur donner. Le 15 d'août de l'année 1568, jour de l'Assomption de la Sainte Vierge, nous prîmes possession de ce monastère, et n'y demeurâmes pas longtemps, parce que nous y tombâmes presque toutes malades. Il y avait en ce lieu une dame, nommée Madame Marie de Mandos, femme du commandeur Cobo, et mère du marquis de Camarasa, très vertueuse et très charitable, ainsi que ses grandes aumônes le faisaient assez paraître. Comme elle était sœur de l'évêque d'Avila, je l'avais connue dans le monastère que nous y avions et reçu de grandes preuves de sa bonté pour moi et pour tout notre ordre. Elle la témoigna bien encore alors, car, voyant qu'il paraissait impossible que nous demeurassions en ce lieu-là, tant à cause qu'il était si malsain, que parce qu'il était trop éloigné de la ville pour y recevoir des aumônes, elle me dit de quitter cette maison, et qu'elle nous en achèterait une autre beaucoup plus commode. Elle l'a exécutée avec tant de libéralité, qu'il ne nous a jusqu'ici laissé manquer de rien, et elle continuera sans doute toujours à nous assister de la même sorte. Le jour de Saint-Blaise, nous allâmes en procession dans cette maison, accompagnés de tout le peuple, qui témoigne toujours d'y avoir une très grande dévotion, à cause des grâces dont Dieu la favorise, car notre Seigneur y a attiré des âmes si parfaites, que l'on pourra, avec le temps, écrire combien grande est leur sainteté, afin qu'on lui donne les louanges qui lui sont dues, de se servir de moyens si faibles pour faire de si grandes choses, et répandre ses bénédictions sur ses créatures. Markemdanarchive.org, d'après, abbaye-saint-benoît.ch, Thérèse d'Avila Fondation PDF, licence Creative Commons CC 3.0F, pas d'usage commercial partage à l'identique.